L'événement L'Île en Blues vous en mettra plein la vue et les oreilles. Les 17 et 18 août à Saint-Laurent de l'île d'Orléans, deux jours de vibrations et d'émotions. Venez passer d'inoubliables moments sous la présidence d'honneur de Michel Dubois, animateur de l'émission Rue d'Auteuil. Plus d'informations, lileenblues.ca. 418-828-1177. Événements sous chapiteau. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre émission hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, Bruno et Michel, jusqu'à minuit, on a plein de bonnes petites choses à vous faire entendre. Et un peu d'Italie, un peu d'Allemagne, un peu de Norvège, dont le nouveau, entre guillemets, Giorgio, parce que, en fait, c'est une double CD compilation de tout ce qui a été enregistré avant leur premier disque. Et puis, bon... aussi King Crow, encore d'Italie. On a plein de bonnes choses. Donc, installez-vous. On commence avec... mon Dieu, est-ce que... Oui, ça nous vient d'Angleterre. Strange Fish. We'll be right back. We'll friend. C'est un bloc musical quasiment allemand. On avait deux groupes allemands. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est Argos de l'album Unidentified Dying Object. Et puis, on avait Seasons of Time de l'album Welcome to the Unknown. Et on avait ouvert avec les British Strange Fish de l'album Spotlight Effect. On va aller faire un petit tour de Norvège, mais avant, on va avoir quelques messages d'intérêt public, mais on vous revient après avec... j'essaie toujours de le prononcer, ce groupe, George Shaw, le groupe qui norvégien qui a publié un album il n'y a pas si longtemps. Puis là, il nous arrive avec un double, mais en fait, c'est une compilation de tout ce qui a été publié avant. Donc, il y avait pas mal de choses qui étaient passées inaperçues. Et c'est ce qu'on va écouter après la pause. Puis bien d'autres choses. On a de l'italien, on a toutes sortes de choses. Ah, il nous reste encore une bonne heure et demie de bon rock progressif. En votre compagnie, Michel et Bruno, c'est Terra Incognita, CKRL 89.1. 89.1. Les chars soviétiques entrent dans Budapest. Un deuxième char le suit de près? Oui, mais ça y est, il vaut mieux pas qu'on se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. CKRL.QC.CA. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Il est sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. characteristic footprint, like a spectrum of harmonics, recognizable in memory and experience. A million possibilities avoided by our minds, leaving spaces in the spectrum which define our style and vision. footprint like a spectrum of harmonics, recognizable in memory and experience. The million possibilities avoided by our minds, leaving spaces in the spectrum which define our style and vision, and the individual background of our behavior. C'est notre troisième groupe allemand ce soir, mine de rien. Apogée, du plus récent, Conspiracy of Fools. Avant, ça nous venait d'Italie avec un nom à rallonge comme seuls les Italiens ont le secret. Et ça, c'est quand je vous dis un nom à rallonge, celui-là, il n'est pas piqué des verres. Gan Eden il Giardino delle Delizie. Ça, c'est le nom du groupe. Et l'album s'intitule « Goodbye ». Donc, c'est plus concis en matière de titre qu'en matière de nom. Je vais vous répéter quand même. « Gan, Eden, il Giardino delle Delizie ». Quatrième album pour ce groupe italien. On avait donné le coup d'envoi avec Giorgio, le groupe norvégien qui est dans la lignée de Anglagard, Anecdoten, et qui a été probablement pour plusieurs une révélation. Ça faisait longtemps que un groupe norvégien, ou en tout cas scandinave, n'avait pas donné dans ce style-là comme ça. Ça nous ramène au début des années 90 avec, évidemment, beaucoup de plaisir. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de l'Angleterre et de la Norvège en même temps, parce que c'est un groupe un peu binational. Il y a des membres de White Willow, il y a Mathias Olsen, l'ex-batteur d'Anglagard, le co-leader de Necromonkey et de bien d'autres choses. Il joue aussi avec Il Tempio d'Electricidré. Et on a un membre aussi de No Man, le groupe britannique, un duo avec, le duo de leader là, de Stephen Wilson et le chanteur, là, que là, le nom s'enfuit devant moi. Et je vais finir par le rattraper, je vous en parlerai tantôt. Donc, ça s'appelle Galasphère 347, et c'est une référence là, à une émission des années 70, mais ça, aucun rapport avec la musique. Donc, on y va avec, c'est pas une nouveauté, mais c'est un disque qui revient souvent, moi, dans mon lecteur, Galasphère 347. Oui, c'est vrai, on a les publicités avant. Mais au retour, c'est ce que vous allez entendre. Et il nous reste encore une bonne heure de musique ensemble. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 405 3e Avenue à Limoilou. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Au mois d'août, voyez au cinéma Le Clap, Fleuve Noir et Mika et Sébastien dès le 3 août. Dans la brume dès le 10 août. Les As de la jungle et Le rire de ma mère dès le 17 août. Petite Italie dès le 24 août. Drôle de père et Kin le commencement dès le 31 août. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Thank you. It's 5 a.m. on the Queen's Road. It's silent as the grave. No one is out. It's much too cold for violence or decay.

marone, ma nemmeno mentre si è pezzato. 32, la volta sempre nazionale. sai che devi ritornare. Per succhiare la vita, ancora vivere e sognare. Musique optimiste, hein? On en parlait avec Bruno, c'est léger, on dirait que on marche, puis là on a toute l'odeur des fleurs qui nous, qui nous vient. Ça nous vient d'Italie. Ça s'appelle Periplo. Et c'est un projet de probablement que plusieurs amateurs de prog italien vont reconnaître, le nom de Luca Scherani, le bras droit de Fabio Zuvanti. C'est paru il y a quelques années, mais ça a passé un peu comme inaperçu. Et le titre de l'album, c'est « Diaro di un malessere passeggero ». Je pense que c'est paru il y a 4 ans, quelque chose du genre, mais bon, il vaut mieux le découvrir là que pas le découvrir. On reste en Italie avec « Homunculus Res » de l'album « Della stessa sostanza di sogni ». C'est le plus récent, c'est leur troisième et plus récent album. Après ça, ben avant ça, plutôt, on avait, là ça nous vient de France, « Delusion Squared »,« Anthropocene ». J'ai l'impression que M. Steven Wilson n'est pas loin. Je pense qu'ils doivent l'apprécier. On avait aussi d'Italie, King Crow, de leur plus récent. Ben, en fait, je pense qu'il est sur le point de paraître. The Persistence, 7e album pour cette formation italienne. Et c'était Night Descending avec comme invité Daniel Gedenlow de Pain of Salvation. Et on avait donné le coup d'envoi avec, là, je vais le dire comme disait Bruno, je vais le dire en anglais. Galasphere 347 de leur premier album, et c'était la pièce de Voice of Beauty. Bon, ben écoute, mine de rien, il nous reste une demi-heure, je sais qu'il y a les pubs. Et on va aller faire encore un petit tour du côté de l'Italie avec un groupe qui a pour nom Marigold. Mais ça, c'est tout de suite après les messages d'intérêt public. Je vous rappelle que c'est Terra Incognita, dernière demi-heure, avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. 89.1 CKRL Québec. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets d'émission pour la saison automne-hiver 2018-2019. Comment faire? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca, puis dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est intégrer la première radio communautaire francophone au monde. Tentez votre chance, vous avez jusqu'au 12 août. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Parenthèse 9, la patente Atelier coopératif, le Pignon bleu, collectif Les Accompagnantes. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. was sitting here, there was no one all around. I was sitting here on the top of this hill, looking down at my town. Still sitting here where sun were burning thirsty fields. There was once a harvest in this land. Laying down in the shadow of a big oak, just listening to dust, I care the sounds. If only I had the power to make it rain, I can give you this part if you tell me through. He was a very strange little man, was no larger than my finger. My name is Micro Man, I come from Aquarium, a planet only. vibration. Mike hung happy back on his fair. The wiser man was so thankful and glad. So they gave me the power he had promised. Then they laid me in a bowl of water. It's almost life began to fly. The only other was a narrow passageway. Hope on the space right in front of me. So I made the wish to go back home. And then the ball began its descent. In a lightning I was carried over all the fields spanned by the sun. The sun is kissing the mill fields. Thank you.